Chapitre 15e. Honneur d'artiste. Plusieurs semaines se sont écoulées. On est au mois d'août. Béatrice et Pierrepont ne se sont pas revus. Par un scrupule qui leur est commun, ils ont même évité toute communication écrite. Béatrice sait seulement que Pierrepont, contre son habitude, passe l'été à Paris et elle présume qu'il y attend ses ordres. Il reçoit d'elle un matin le billet suivant. « Je vous conjure de partir pour Glion. » Je sais que Madame Desmarets y est encore. Confiez-lui tout. Dites-lui que je suis à ses pieds, que je deviens folle, que je l'attends. » Quelques heures après, le marquis partait pour la Suisse. Il était le lendemain dans l'après-midi à Glion, et deux jours plus tard, Madame Desmarets, dont le mari était à peu près rétabli, arrivait à Paris d'où elle se rendit aussitôt à Bellevue. En la voyant entrer dans son salon, la femme du peintre laissa échapper un faible cri. « Élise !» Et elle joignit les mains en la regardant d'un air de supplication. Madame Desmarets l'attira dans ses bras et Béatrice s'y précipita avec des sanglots déchirants. « Merci, merci !» lui dit-elle à travers ses larmes. « Il y a 2 mois que je n'avais pleuré. » Et quand elle se fut un peu calmée, « Il t'a tout dit ?»« Tout. » Elle la fit asseoir. « Eh bien, qu'est-ce que tu en penses ? Car moi, je ne pense plus. » « Je pense, dit Madame Desmarets, qu'il faut tout faire pour sauver la vie de ton mari. C'est impossible, il ne voudra pas. » « Qui ne voudra pas ? Lui, mon mari. Pourquoi ? Parce qu'il a engagé sa parole. » Madame Desmarets prit un accent sévère, presque dur. « Béatrice, si je pouvais imaginer une seule minute que tu envisages sans horreur la perspective prochaine de ton veuvage, je ne te reverrai de ma vie. Écoute-moi. » dit Béatrice. « Cet effroyable sentiment que tu me prêtes là, je l'ai éprouvé. Je l'ai éprouvé pendant leur combat, pendant que leurs deux existences étaient en jeu. Il m'a poursuivi. Il m'a longtemps encore obsédé malgré moi. Maintenant, il faut que Dieu ne m'ait pas encore abandonné tout à fait, car il a permis que je me rendisse maîtresse de cette affreuse tentation. Maintenant, je puis t'affirmer en toute vérité que je donnerai ma vie pour sauver celle de ce malheureux. » « Tu l'aimes ?» s'écria Madame Desmarets. « Je ne l'aime pas, mais il me fait une telle pitié, une telle pitié. Il a si peu mérité cette longue agonie qui lui est infligée. Et il la supporte avec tant de courage et de douceur. Je suis sa prisonnière. Il pouvait me torturer l'âme, me martyriser, et jamais, sauf peut-être le premier jour à la première heure, il n'a eu pour moi un mot de reproche, une parole amère. Il est avec moi comme autrefois, si bien qu'il y a des instants, quand je l'entends me parler, quand je le vois me sourire, des instants où je crois vraiment qu'il ne s'est rien passé, que j'ai fait un rêve épouvantable. C'est qu'il t'aime encore, ma pauvre chérie, et alors rien n'est désespéré. Ce n'est pas qu'il m'aime. Comment veux-tu ? Non, c'est qu'il se souvient, c'est qu'il se venge de mon orgueil, de mes préjugés de naissance, de mes misérables dédains. C'est qu'il veut me prouver qu'un artiste sait souffrir et mourir en gentilhomme. « Combien de temps reste-t-il » dit Madame Desmarets, « avant le terme fatal ?»« Je n'en sais rien. Car s'il ne peut le dépasser, ce terme, il peut le devancer. Tout dépend de son travail. Dès qu'il l'aura terminé, certainement, il se tuera. » « Et où en est son travail ? Tu ne le sais pas. Tu ne vas plus dans son atelier ?»« Pardon. Il y a quelques jours, j'ai rassemblé mon courage et j'y suis retourné. » Je m'assois là, je travaille à côté de lui, il me laisse faire. Il m'adresse un mot de temps à autre, un mot indifférent, c'est affreux. Son cœur éclata de nouveau, et elle pleura un moment en silence. « Je te demandais, ma chérie, reprit Madame Desmarets, où en est ce travail ? Très avancé. Le malheureux ne perd pas une minute. Dès le point du jour, il est devant ses panneaux. C'est admirable ce qu'il fait. Comment a-t-il le courage de travailler ? Avec une telle préoccupation sur l'esprit, je ne comprends pas. Et il paraît tranquille, dis-tu. Il paraît tranquille, oui, mais ses cheveux blanchissent. Ah, il faut le sauver, s'écria Madame Desmarets en se levant. Tu me donnes plein pouvoir, n'est-ce pas? Tu approuves d'avance tout ce que je pourrais tenter. Tout, absolument tout. Et du fond du cœur, grand Dieu. Eh bien, écris à Pierrepont, que je dois voir demain. Béatrice s'assit aussitôt devant son bureau et écrivit rapidement ces 2 lignes. « Au marquis de Pierrepont, tout ce qu'Élise vous demandera, je vous le demande, moi-même, à genoux. » Le lendemain, Pierrepont, sur un mot de la vicomtesse, arriva chez elle. Elle lui remit tout d'abord le billet de Béatrice. « De quoi s'agit-il ? » dit gravement le marquis après avoir lu. « Il s'agit d'empêcher que Fabrice n'accomplisse son suicide quand l'heure en sera venue. Pouvons-nous compter sur vous pour cela ? En doutez-vous ? C'est comme si vous proposiez à un meurtrier de le délivrer de sa conscience. Mais que puis-je faire ? Je ne l'imagine pas. » « Autant que j'en puis juger, reprit Madame Desmarets, il y aurait, pour arriver à notre but, deux obstacles à lever. D'abord, le point d'honneur, la parole donnée qui enchaîne Fabrice. Ne pourriez-vous lui rendre cette parole, et dans des termes tels qu'il consentit à la reprendre ? J'y suis tout prêt, mais... Vous craignez qu'il ne refuse ? Je le crains. Cependant, j'essaierai, et en toute sincérité, comme vous le verrez. J'attendais cela de vous. Quant au second obstacle que nous aurions à vaincre, c'est la conviction où doit être Fabrice que, s'il survivait, il vous trouverait toujours entre sa femme et lui, car il doit croire que vous attendez l'un et l'autre sa mort pour vous unir. Il n'y a qu'un moyen sûr pour le détromper, c'est de revenir à votre projet de mariage avec Katie et d'y donner suite dans le plus bref délai possible. Le voulez-vous ? Après une pause de réflexion, « Votre amie, dit Pierrepont, désire-t-elle ce mariage ? Elle désire et approuve tout ce qui peut l'attirer de l'enfer où elle est. Eh bien, j'obéis. Je partirai demain. S'il n'y a pas de bateau en partance chez nous, j'en trouverai un en Angleterre. Vous recevrez ce soir la lettre destinée à Fabrice. Vous la lui remettrez quand vous le jugerez bon. Adieu, madame. » Il lui pressa les deux mains avec force et se retira. Deux jours après, il s'embarquait sur un transatlantique du Havre. Madame Desmarets avait reçu la veille la lettre qu'il adressait à Fabrice. Elle était ouverte. Elle la lut et en fut contente, mais elle résolut de ne la remettre au peintre que le jour où elle pourrait lui apprendre en même temps le mariage de Pierrepont, espérant qu'il en serait plus accessible à leurs instances. Béatrice fut du même sentiment, et quant au mariage lui-même, elle en reçut la nouvelle avec indifférence. Encouragée par son amie, elle entrevoyait maintenant une chance, si douteuse qu'elle fût, de sauver son mari et d'échapper elle-même à des tortures morales où elle craignait de laisser à jour sa raison. Elle n'en continuait pas moins de suivre, de surveiller avec un intérêt poignant les moindres actes, les moindres paroles de Fabrice. Malgré ses faiblesses d'orgueil aristocratique et de vanité mondaine, c'était un cœur trop véritablement noble pour rester insensible à la contenance ferme, généreuse, héroïque de l'artiste en face de la mort. Dans son admiration, mêlée d'une profonde pitié et peut-être d'un sentiment plus tendre encore, elle ne se souvenait plus que pour en rougir des griefs mesquins qu'elle avait nourris contre son mari. Elle s'étonnait de l'avoir à ce point méconnu, d'avoir fermé les yeux si obstinément sur les hautes distinctions de l'homme et de l'artiste, pour n'apercevoir que quelques imperfections de surface. La personne physique du peintre lui apparaissait elle-même sous un jour nouveau. Elle était frappée de la dignité naturelle de sa démarche, qui la faisait penser à l'allure puissante et souple des grands fauves. Elle était frappée de l'éclat lumineux de son front, du caractère énergique, de ses traits calmes, auxquels ses cheveux légèrement blanchis et comme à demi poudrés prêtaient alors une douceur étrange. Il lui semblait transfiguré, comme si les pensées qui l'occupait et le soutenait en ses jours suprêmes, l'eût enveloppé de quelques rayonnements supérieurs. Cependant, le temps passait. C'était le 20 juillet que la convention du suicide avait été arrêtée entre Pierrepont et Fabrice. Le sursis de 4 mois accordé au peintre devait donc expirer le 20 octobre. On était arrivé à la première semaine de ce mois, quand Béatrice reconnut avec terreur que les grands panneaux destinés à l'Amérique allaient être terminés. Il l'aurait même été dès ce moment, si Fabrice n'eût tenu à justifier plus que jamais, dans son œuvre dernière, la réputation de conscience et de probité artistique qu'il s'était acquise. Mais il n'avait plus à faire que de légères retouches qui demandaient à peine 4 ou 5 jours de travail. Déjà, le correspondant de M. Nicholson à Paris était venu s'entendre avec le peintre pour la livraison et l'expédition de ses toiles. À mesure que le terme redoutable approchait, l'angoisse de Béatrice devenait plus incessante, plus intolérable, plus mortel. Dévoré de fièvre, en éveil jour et nuit dans l'attente de quelque bruit sinistre ou de quelque spectacle tragique, elle pressait ardemment Madame Desmarets de tenter auprès de Fabrice la démarche suprême à laquelle était suspendu son dernier espoir. Mais Madame Desmarets, déjà prévenue par Pierrepont que son mariage aurait lieu à une date prochaine, voulait attendre pour parler que la nouvelle lui fût formellement confirmée. Ce fut au commencement d'octobre qu'une seconde lettre du marquis lui apprit que l'événement était accompli. Il lui envoyait en même temps un journal américain qui en faisait le récit détaillé. Elle n'hésita plus. Depuis son retour, dans ses fréquentes visites à Bellevue, elle s'était plus d'une fois rencontrée avec Fabrice. Il pouvait se douter qu'elle était dans la confidence de Béatrice, mais il n'y avait pas eu entre la jeune femme et lui l'ombre d'une allusion à ce sujet. Un matin, il la vit entrer brusquement dans son atelier. Il avait pour elle beaucoup d'affection, mais pressentant vaguement, à sa mine à la fois troublée et résolue, l'objet de sa démarche, il prit un air très grave. « Vous avez à me parler, madame, » lui dit-il. « J'ai à vous parler, oui, mais ne m'ôtez pas mon courage. Soyez bon pour moi, je vous prie. » « Il est bien facile d'être bon pour vous, » répondit-il avec un triste sourire. « Voyons, parlez. » Il lui approcha une chaise, car il vit qu'elle était près de défaillir. « Monsieur Fabrice, » dit-elle après un silence, « j'ai été informé aujourd'hui d'une chose que vous pouvez avoir quelque intérêt à connaître. » Et elle lui remit d'une main qui tremblait la dernière lettre qu'elle avait reçue de Pierrepont et le journal américain qui rendait compte de son mariage. Le peintre, après avoir lu ces deux documents, les lui rendit froidement. « Je vous remercie, » lui dit-il. « Monsieur Fabrice, » reprit-elle avec une émotion croissante, « j'ai encore une lettre à vous communiquer. Elle vous est personnellement adressée. « Voyons, madame. » Il prit la lettre. C'était celle que Pierrepont lui avait écrite avant son départ. En voici les termes. « Sur le point de quitter la France pour longtemps, pour toujours, si vous l'exigez, je viens vous dégager de la parole que vous m'aviez donnée. Au nom de votre fille, je vous supplie de vivre. Si c'était moi que le sort eût condamné, et si vous me rendiez ma parole aussi sincèrement et aussi publiquement que je vous rends la vôtre, j'atteste que je n'hésiterai pas à la reprendre. Marquis de Pierrepont, pour M. Jacques Fabrice. » Après avoir lu et relu ce billet avec une profonde attention, il le tendit silencieusement à Madame Desmarets. « Mais, dit-elle, vous devez garder cela. » « Soit, » dit Fabrice. Elle attendit un moment et, le voyant toujours impassible et muet, « Monsieur Fabrice, » reprit-elle en lui saisissant la main, « me laisserez-vous partir sans emporter un mot d'espérance ?»« Maintenant, votre honneur est sauf. Ayez pitié de votre enfant. Ayez pitié aussi de la pauvre coupable. Elle a tant expié. Et si j'osais vous dire quelque chose de plus ?»« Non, madame, ne me dites plus rien, c'est assez. » »« Je suis bien touché de votre démarche, des sentiments qui vous l'ont dictée. » Mais vous devez comprendre que ce n'est pas dans une minute d'attendrissement qu'on peut trancher une question comme celle qui m'est posée. Permettez-moi d'y penser sérieusement, comme je le dois. Mon travail est aujourd'hui terminé. Je puis disposer de quelques journées. Mon intention, dont vous pouvez faire part à votre ami, était de consacrer ces journées à un court voyage à l'étranger, en Suisse. Je persiste plus que jamais dans ce dessein. J'ai besoin, maintenant surtout, pour arrêter ma résolution, d'un repos et d'une liberté d'esprit que je ne trouverai pas ici. Je compte partir demain. » Elle le regarda fixement dans les yeux. Il se leva et lui prit une main. « Au revoir, madame, » lui dit-il, et avec un léger trouble dans la voix, « allez, mon enfant. » La jeune femme sortit. Elle s'arrêta un instant sur le seuil de l'atelier pour essuyer ses yeux humides, puis se dirigea d'un pas rapide vers la maison. Béatrice, qui avait attendu le résultat de l'entrevue en parcourant fiévreusement les allées de son parterre, courut à elle dès qu'elle l'aperçut et l'interrogeant d'un regard affolé. « Eh bien ?»« Eh bien, j'espère. Est-ce possible ?» Et elle l'entraîna à la hâte dans son salon. Madame Desmarets lui rapporta alors tous les détails de son entretien avec Fabrice, en essayant de lui persuader et de se persuader à elle-même que l'impression qui lui en restait était favorable. Mais la nouvelle du voyage soudainement projeté par son mari terrifia Béatrice. « C'est la mort, » dit-elle d'une voix sourde. « Pourquoi partirait-il ? » dit Madame Desmarets, « s'il était décidé à mourir. Qui sait ? Pour ménager le cœur de sa fille, peut-être pour me ménager moi-même. Il veut être généreux jusqu'à la fin. » « Je t'assure, » reprit Madame Desmarets, « que le langage qu'il m'a tenu m'a paru véritable. Avant d'arrêter sa décision dans une circonstance si grave, il veut réfléchir en paix, loin des souvenirs, des émotions qui pourraient troubler sa pensée. » Elles furent interrompues par la petite Marcelle qui entra comme un tourbillon. Elle présenta sa joue à Madame Desmarets et, se retournant vers Béatrice, lui dit toute haletante « C'est vrai que père va partir. Qui t'a dit cela ? C'est Henriette, à qui il dit de préparer sa grande valise. Oui, il part demain. Son travail l'a beaucoup fatigué. On lui recommande un peu de distraction. » « C'est ennuyeux de le voir partir, » dit l'enfant. « Je vais aider Henriette, si tu veux, pour qu'elle n'oublie rien. »« Je vais y aller moi-même dans un moment. Va, ma fille. » Marcel sortit en courant. Madame Desmarets s'est élevée. « Penses-tu que je souffre assez ?» lui dit Béatrice. « Il ne se fait pas un mouvement. Il ne se prononce pas une parole dans cette maison qui ne me mette au martyr. Et tu me quittes, toi ?»« Oui, je te quitte. Je serai ici dès demain matin. » Mais je me reprocherai de rester entre vous dans ces dernières heures. Je vous abandonne tous deux à l'inspiration de vos cœurs. À demain. » Elles s'embrassèrent, et Madame Desmarets se retira. Béatrice monta dans l'appartement de son mari pour surveiller les apprêts de son départ. La femme de chambre lui apprit que Fabrice venait de se rendre à Paris. Il serait de retour pour le dîner. La femme du peintre passa le reste de la journée à errer dans le jardin. Vers le soir, elle entra dans l'atelier. Le vide laissé par les panneaux enlevés lui donnait un air d'abandon, de désordre et de tristesse solennelle. Elle s'y promena jusqu'à la nuit tombée, songeant à tout ce qu'une grande intelligence et une grande âme avaient dépensé là de pensée et de douleur. Puis, l'idée lui vint que déjà tout était fini, que le prétendu départ pour Paris n'était qu'un prétexte, que son mari ne rentrerait pas. Elle regagna précipitamment la maison. Fabrice était rentré depuis quelques minutes. On se mit à table. Fabrice était calme, mais plus sérieux et plus distrait que de coutume, et en même temps plus causeur. Il semblait craindre le silence. Il parlait de la brièveté croissante des jours, de la beauté de la soirée, de quelques expositions récentes, des paysages de la Suisse, de l'impuissance des peintres à en tirer parti. Après le dîner, on descendit au jardin. Quoiqu'on touchât alors à l'automne, la nuit était tiède et magnifique sous un ciel plein d'étoiles. La clarté était suffisante pour que Marcel pût diriger son cerceau à travers les allées étroites du parterre. Elle s'amusait à donner cette épreuve d'adresse devant son père, qui, assis sur un banc près de là, la regardait, et parfois aussi regardait le ciel. Béatrice, épuisée, s'était assise elle-même à quelques pas dans l'ombre d'un groupe d'arbres épais. Au bout d'un instant, Fabrice éleva doucement la voix. « Marcel, la petite accourut. « J'ai peur que tu ne prennes froid. Il faut rentrer, vois-tu ? Tout de suite ? Oui, je t'en prie, mon enfant. Eh bien, je rentre, père. » Il la prit sur ses genoux. « C'est bien d'être sage. Tu me promets de l'être toujours, n'est-ce pas ? Je te le promets. Même quand je ne serai plus là. Oui, mais pourquoi t'en vas-tu ? J'ai tant besoin de repos, ma pauvre enfant. Si tu m'emmenais, père. Je voudrais bien, murmura Fabrice. Alors emmène-moi. Ce n'est pas possible, ma chère petite. Allons, bas. Tu pars pour longtemps ? Reprit l'enfant. Pour quelque temps. Je ne sais pas trop. Va, ma petite fille. Il l'embrassa. « Présent ou absent, dit-il, tu m'aimeras toujours bien, n'est-ce pas ? Toujours bien, je te le promets. » Elle le quitta pour aller à Béatrice qu'elle embrassa. Puis revenant à son père, elle lui dit à demi-voix « Elle pleure. » Il la retint par la main. Et après un silence « Aime bien aussi ta mère, lui dit-il d'une voix grave. Je te le promets, répéta l'enfant. Elle s'éloigna, pensive, et rentra dans la maison. Au même instant, Fabrice entendait un gémissement étouffé. Et Béatrice, sortant de l'ombre, se jetait à genoux devant lui sur le sable de l'allée. « Je vous en prie, Béatrice, » dit-il d'un ton de sévère reproche, en essayant de la relever. « Ah !» s'écria-t-elle à travers ses larmes. « Le Christ a pardonné. Mais je vous pardonne. Ne venez-vous pas d'entendre ce que j'ai dit à ma fille? Je sais que vous avez beaucoup souffert dans ces derniers temps. Il y a d'ailleurs dans la vie des heures où l'on est indulgent. Relevez-vous, asseyez-vous là près de moi. » Incertaine, stupéfaite, elle prit place sur le banc à côté de Fabrice. « Béatrice, vous avez mon pardon. Vous faut-il quelque chose de plus? Parlez. Il me faut que vous viviez, mon Dieu. En êtes-vous sûr? Êtes-vous bien sûr que vous ne me mépriseriez pas demain si je cédais aujourd'hui à vos prières? Vous méprisez? Comment le pourrais-je? Est-ce que je ne sais pas que vous êtes libre, qu'on vous a rendu votre parole? Ne vous diriez-vous jamais, Béatrice, qu'un autre, à ma place, se fût montré plus délicat, plus scrupuleux sur le point d'honneur? Mais, mon Dieu, je vous en prie, ne m'accablez pas, mon ami. Ayez pitié de moi, tout cela est si dur. Moi qui vous aime tant, mon Dieu, et qui n'ose même pas vous le dire, parce que vous croyez que je mens pour vous sauver de la mort, et pourtant là, devant Dieu, c'est bien vrai que je vous aime, allez. » Et toute pleurante, elle levait éperdument ses bras vers le sombre azur constellé. Il y eut un long silence, troublé seulement par le bruit de ses pleurs. Puis Fabrice dit d'une voix profondément émue, « Je vous crois. » Elle lui saisit la main. « Oui, » continua-t-il, cette parole que j'ai tant désiré entendre de vos lèvres, je l'entends enfin, et je sens qu'elle est sincère. Tu m'aimes. La foudre devrait me frapper à l'instant, que je ne remercierai pas moins le ciel, pour cette seule minute si longtemps rêvée. Elle lui baisait les mains en sanglotant. « Béatrice, » dit-il en se dégageant doucement, « tout cela était si inattendu. Vous voyez que j'en ai perdu mon calme, presque ma raison. « Laissez-moi recueillir un peu ma pensée, je vous en supplie. Vous vous défieriez trop justement de résolutions prises sous l'empire d'une pareille émotion. Venez, rentrez dans votre salon. Je vous y rejoindrai tout à l'heure, et nous causerons sérieusement. » Elle s'appuya sur son bras, et il la conduisit jusqu'au premier degré du perron. Comme elle hésitait à se séparer de lui et le regardait fixement, il la tira et baisa ses cheveux. « À tout à l'heure, » dit-il en souriant. Elle s'assit dans l'intérieur du salon, près d'une fenêtre ouverte, et le suivit de l'œil dans le jardin. Il s'y promena longtemps, à pas lents. Par intervalles, son ombre disparaissait sous les arbres, et Béatrice se levait, épouvantée, jusqu'à ce qu'il fût sorti des ténèbres. Elle l'avait perdu de vue depuis quelques minutes, quand le vitrage de l'atelier s'éclaira d'une lueur subite. En même temps, un coup de feu retentissait dans la nuit. La jeune femme étendit les bras, poussa un cri, et tomba toute raide sur le parquet. Ce fut Madame Desmarets, mandée en toute hâte, qui trouva sur la table de l'atelier et qui remit à Béatrice ce billet qui lui était adressé. « Béatrice, je voulais vous épargner cela, mais j'ai craint de faiblir. Oui, je crois que votre cœur s'est enfin ouvert pour moi. Oui, je crois que vous m'aimez. Mais m'aimeriez-vous demain ? Vivant par la grâce de l'homme qui m'a mortellement outragé, je ne le crois pas et je meurs. » Le suicide de Jacques Fabrice ne fut pas soupçonné. Les journaux annoncèrent que le malheureux artiste s'était tué par accident, en déchargeant ses pistolets à la veille d'un voyage. Béatrice est entrée en religion chez les bénédictines d'Auteuil, où elle a pu achever elle-même l'éducation de Marcel, conformément aux dispositions testamentaires de Fabrice. Ainsi s'achève Honneur d'artiste d'Octave Feuillet.